reflète ma vie diurne, me plonge dans des songes qui parfois me rongent, me rappelle alors quand dans ma tête y a trop de désordre. Les images nocturnes mobilisent mes sens et provoquent en moi une véritable transe. Parfois ce trouble, comme si l'esprit voyait tout. Charge de messages et le subconscient où on fait son langage me font comprendre que l'inconscient.